session qui s'intitule « Innovation, efforts et enjeux ». Pour commencer, nous écoutons Johan Lian, maître de conférence en géographie à l'Université Paris 8, UNR Ladis, et administrateur de l'UNADEM. Merci, bonjour à tous. Mon intervention, donc, elle va aborder un des volets de la construction de la légitimité, qui est la construction d'une légitimité autour d'un secteur d'activité, en partant d'une série de travaux que je vais exposer un petit peu plus loin, qui ne sont pas construits dans un contexte de recherche scientifique, mais un contexte de démarche militante, puisque étant universitaire pour une part, je suis également administrateur d'une organisation militante du développement local qui s'appelle l'UNADEL, l'Union des acteurs du développement local, qui est une association d'élus et de formateurs que je vous présenterai, qui a conduit les travaux d'analyse sur lesquels je m'appuie aujourd'hui. Alors, le fil de cette intervention, il réside dans une hypothèse de travail qui est que la question de l'énergie, qui est devenue un thème de débat fort en France depuis le début des années 2000, est une occasion de regarder ce qui s'opère, notamment dans les espaces ruraux et périurbains, en termes de recomposition à la fois de l'architecture des jeux d'acteurs, mais aussi des logiques de projets locaux. Partant du fait que l'énergie, on le sait trop peu souvent, notamment dans les espaces ruraux, c'est un enjeu de compétition, un enjeu où les acteurs locaux sont souvent laissés à la marge du débat, alors que ça représente déjà pour les collectivités une part très importante de leurs dépenses. En moyenne, dans une commune rurale, c'est à peu près 50% de la facture en fonctionnement. Alors même que ce sont les espaces ruraux qui sont, en France du moins, les espaces pourvoyeurs de la production, une grande partie de la production énergétique sur laquelle repose notre système social et notre système économique. Et pour une organisation comme l'UNADEL, mais aussi pour des chercheurs, il y a là effectivement quelque chose d'intéressant à regarder dans le contexte de la transition écologique qui est prônée comme une injonction en termes de politique publique et de normativité associée notamment au Grenelle de l'environnement, c'est de voir un peu ce qui s'opère autour des jeux d'acteurs, des rapports de pouvoir et de la construction d'une légitimité à agir par les populations locales. Alors, notamment, pour éviter l'aboutissement de ce genre de projet, l'image que vous avez à l'écran, la centrale photovoltaïque d'Aimé, qui est une des plus importantes d'Europe, dans les Alpes du Sud, le travail qu'on a construit réside sur une tentative d'expertise et de construction de ce qu'on appelle le processus d'émancipation. Émancipation par rapport à un certain nombre de logiques de pouvoir, et de mode de faire. Alors, notamment pour une organisation comme l'UNADEL, qui est une association d'élus qui a un peu plus de 25 ans, qui est articulée à des formations de techniciens, des formations universitaires. La question de l'énergie est, donc, vous l'avez compris, un volet important des questions du débat territorial aujourd'hui, et c'est notamment pour cette organisation une manière de voir ce qui s'opère en termes de mode de coordination et de construction de la capacité à agir collectivement dans les territoires. Très rapidement, je vous présente le panel de territoires sur lesquels on a travaillé dans le cadre d'un dispositif que je n'ai pas le temps de décrire, qui s'appelle les écoutes territoriales, mais qui réside principalement sur une série d'enquêtes, d'entretiens opérés par un binôme ou un trinôme d'administrateurs de l'organisation, dans lequel on va retrouver des élus, des techniciens de collectivité, des universitaires scientifiques comme moi, et qui, depuis 3 ans, mène ce travail d'itinérance et d'analyse en partenariat avec Mairie Conseil, Territoire Conseil aujourd'hui, qui accompagne, vous le savez, les territoires ruraux, notamment dans la construction de projets d'action collective. Ça nous a permis effectivement d'observer un certain nombre de territoires à la loupe, surtout qu'on y revient de manière régulière, itérative, donc de voir comment se construisent les projets locaux autour de l'énergie dans un processus itinéré. Là, vous en avez la carte exhaustive, sachant que donc une partie de l'échantillon observait une autre fenêtre de la transition écologique fondée autour de l'économie touristique. Surtout, le principe de ces écoutes territoriales, donc avec les acteurs locaux qui participent au débat, au montage, au portage, au pilotage, à l'animation de ces actions autour de l'énergie, c'est un moyen aussi de suivre ce qui s'opère dans le cadre de la mise en place des nombreux programmes qui viennent toucher à l'énergie. Et vous allez voir, c'est un des éléments du débat, notamment, depuis les agendas 21, les plans climat territoire, les programmes TEPOS, TEPCV, territoire énergie positive pour la croissance verte, etc. Je ne reviens pas sur l'importance jouée aujourd'hui par l'énergie comme thème fort du processus d'ambition économique portée par la normativité de la croissance verte. Il s'illustre à travers tout un tas de volets et de positionnements d'acteurs économiques et politiques importants à ce niveau. Ces registres d'action, on va les retrouver dans les territoires enquêtés à travers différents domaines, notamment sur le bâtiment, l'habitat, sur un certain nombre de filières stratégiques, la question des évolutions des pratiques, des modes de faire, la question des mobilités, etc. Surtout, là où on a commencé à toucher les questions de légitimité, c'est dans la manière dont on a vu comment s'opérer un aller-retour, un dialogue, ou confrontation entre deux logiques, on a appelé une logique un petit peu normative, programmatique, qui est fondée sur la réalité très pragmatique pour un territoire, pour une collectivité, pays, territoire intermédiaire, d'avoir à assurer, sécuriser un certain nombre de financements de fonctionnement et accompagner l'investissement de ces porteurs de projets locaux, et donc la nécessité de s'articuler à des appels à projets européens, nationaux, entrepreneuriaux. Ça, d'un côté, crée une certaine histoire, une certaine trajectoire du territoire par rapport à cette façon de faire. Et de l'autre, cette dynamique, cette historique, entre en dialogue, parfois, en tension, souvent, avec une autre dynamique, celle de la construction du sens de l'action collective à travers des démarches territoriales de type pays, notamment, charte, etc. Les dynamiques de programme, notamment, viennent percuter un certain nombre de volets précieux sur la construction du sens de l'action collective. Évidemment, des programmes avec une forte dimension d'expérimentation, comme ont pu l'être les agendas 21 ou les programmes TEPOS à leur début, étaient en eux-mêmes porteurs d'une construction de la pédagogie et de mode de faire, y compris au plus près des habitants et des usagers de l'énergie. Et en ça, ça a été un volet d'émancipation relativement porteur. Deux autres domaines sont vraiment ciblés dans cette question de dynamique de programme. La question de la construction des réseaux, et j'aurais sans doute pas le temps de développer, mais à travers ces dynamiques de programme liées à l'énergie, on a vu se développer aux côtés des réseaux institutionnels, quelque chose qui a été évoqué ce matin, qui est le développement des réseaux de compétences habitantes, à travers des initiatives associatives, mais qui prennent de plus en plus d'ampleur pour se structurer dans des organisations qui vont élargir l'éventail de leurs actions et de leurs réalisations. Enfin, une dernière tension, justement, autour de la signification même de ces programmes d'appui à l'équipement et à la réalisation d'actions en lien avec l'énergie, dans effectivement le marqueur fort de légitimation qui est celui du levier de l'argent, et qui vient imprimer au territoire vraiment certaines logiques d'orientation, de finalité, de priorisation, qui ne sont pas toujours en phase avec les ambitions, les souhaits portés par la population. Alors, cette tension-là, elle nous a amené notamment à mettre dans les territoires enquêtés, à mettre en regard ces différentes trajectoires et les moments clés qui viennent jalonner la construction d'une compétence, d'une capacité territoriale à agir sur le champ de l'énergie. Et cette capacité territoriale, elle vient évidemment progressivement construire une légitimité des acteurs locaux à investir un champ sur lequel la légitimité historiquement était d'abord technique et financière. L'image là d'un territoire, les crêtes préardonnaises, d'un territoire de notre échantillon, montre comment déjà ce processus est un processus long, qui là, dans le cas présent, le cas de cette collectivité, s'inscrit sur plus d'une vingtaine d'années, et est jalonné par les pastilles violettes que vous voyez là, qui sont chaque fois des opportunités, des ouvertures permises par l'acquisition, la réussite, la labellisation à un appel à projet qui apporte voilà, un certain nombre de financements sur le territoire. Mais surtout, comprendre cette logique-là et la manière dont elle vient construire une action collective n'est possible que si on la met justement en tension et en dialogue avec ce que je vous expliquais auparavant, la construction d'un sens collectif à l'agir, notamment à travers des processus comme ceux de la structuration de pays louavoinés ou de projets s'appuyant sur des démarches contractuelles du type charte de développement durable, charte de PNR, etc. Et qui sont des moments à la fois de diagnostic mais de profonde réflexivité pour les territoires dans la diversité de leurs acteurs, de leurs secteurs, ce que ne sont pas du tout la construction des réponses aux appels à projets, qui sont sur des rythmes, des échéances beaucoup plus étroits, beaucoup plus rapides et restreints. Alors ça, effectivement, ça renvoie du coup à un dialogue et une tension entre deux grandes logiques, qui sont notamment expliquées dans les sciences politiques, entre les logiques qui vont relever d'une certaine normativité portée par les procédures, et de l'autre, une logique à l'agir qui est construite in itinéré et fondée avant tout sur le processus, comme l'explique par exemple Lascaux. Ça nous a amené, c'est le cœur de mon intervention, à finalement essayer d'identifier quels peuvent être les leviers de construction d'une légitimation du bas, hein, puisque j'insiste, c'est bien une légitimation des acteurs du bas, à s'emparer, à s'approprier la question de l'énergie, cette dimension, pour en faire justement un volet structurant de leur projet de territoire. Trois registres, donc, que je vais rapidement évoquer ici. Un registre qui va porter sur la nécessité d'abord de construire effectivement une vision collective et partagée par le plus grand nombre de la nécessité de poser la question de l'énergie comme un projet collectif. Ça, c'est notamment illustré par certains territoires emblématiques, comme celui de Los Angeles, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a fait partie de notre échantillon. Los Angeles est une ancienne commune minière de l'agglomération de Lens, particulièrement sinistrée, et qui s'est engagée depuis une trentaine d'années dans un processus de reconstruction de son récit territorial, qui repose beaucoup évidemment sur la personnalité de son maire très charismatique, je viendrai sur l'importance des figures un petit peu plus tard, mais surtout sur une démarche qui depuis 30 ans laboure, travaille au plus près le corps habitant à travers toute une série de dispositifs qui permettent d'impliquer la population sur la construction et l'expérimentation de projets. Ça mène progressivement à poser sur la table la nécessité de construire et d'accepter de transférer un certain nombre de compétences de maîtrise d'œuvre à des initiatives habitantes, à l'image de ce qui a pu être fait dans d'autres territoires, notamment autour des projets citoyens, autour des énergies renouvelables, exemple que je n'aurai pas le temps de détailler. Deuxième volet, le besoin de construire des arènes de discussion collective, des arènes qui soient des lieux où on va pouvoir discuter en permanence justement de l'articulation entre le sens du projet et le besoin de nourrir le projet par l'articulation avec des dispositifs du type TEPCV, TEPOS, Agenda 21, etc. Ces scènes, ces arènes permettent aussi de mettre en regard différentes visions, différentes légitimités, légitimités issues de la représentation, les légitimités issues de l'expérience et de l'expertise socio-professionnelle, et les légitimités issues aussi de l'expérience d'usage qui a été évoquée ce matin, et qui conduit les territoires les plus vertueux, entre guillemets, dans notre échantillon, à circuler petit à petit à travers ce schéma qui résume à un couple un peu dialectique qu'on a désigné sous le terme portage et de pilotage, qui renvoie tous deux à l'idée d'une animation, justement, de la construction du projet collectif autour de l'énergie, associant un volet de portage politique, une ambition qui est exprimée par exemple par Jean-François Caron à Loos, et l'idée d'un pilotage là beaucoup plus œcuménique qui va rassembler des acteurs différents, puis qui sont puisés dans la société civile au sens large, pour dans l'idéal arriver à une situation d'arrivée où il n'y a plus de légitimité interne opérée par l'origine de tel ou tel acteur, mais une légitimité collective construite sous la forme de l'atelier projet permanent, un peu à l'image de ce qu'avait essayé de construire, évidemment avec des lacunes et des difficultés, la Biovallée par exemple dans la Drôme. Enfin, dernier volet, et je terminerai avec ça, mais qui est probablement l'un des plus importants, cette légitimation du bas dans l'agir, elle passe aussi par l'appropriation des moyens de production, qui est un vieux évidemment, thème de la légitimation de l'action, mais qui renvoie à ce que je vous disais en introduction, c'est que l'énergie produite dans les espaces ruraux, souvent, n'est pas maîtrisée par les acteurs des espaces ruraux. Beaucoup de nos territoires, justement, essayent d'échapper à ce qui est arrivé, par exemple, au PNR des Pyrénées catalanes, très récemment, pourtant un territoire emblématique de l'action sur les énergies renouvelables, qui n'a pas pu empêcher la réalisation de ce projet récent de centrale photovoltaïque, dont on peut effectivement discuter beaucoup l'impact sur d'autres aménités, d'autres activités très précieuses à ce PNR. Maîtriser la production locale, ça renvoie donc à la construction d'une capacité à agir sur le volet financier, notamment par la maîtrise d'un certain nombre d'outils, dont le plus emblématique évidemment le crowdfunding, développé par certains acteurs très connus comme les associations d'éolien participatif, éolien en Pays de Vilaine, en Bretagne, est l'un des plus connus, qui conduit progressivement à se doter d'outils qui légitime l'action collective habitante, y compris sur le registre économique, en créant justement les instruments nécessaires à cette légitimation, avec des instruments entrepreneuriaux, bancaires, etc. Ce modèle se répand beaucoup actuellement et conduit à la création de nombres significatifs d'outils de production locale dont la logique de fonctionnement devient très différente de celle des outils de production imaginés de façon classique sur le modèle de l'opérateur unique qui maîtrise un réseau et après va fonctionner avec sa clientèle. Là, il s'agit de créer évidemment un projet territorial avec une consommation, un principe de circuit court autour de l'énergie, une consommation en local et une maîtrise de l'investissement et aussi des risques, évidemment, par la population. Du local, on passe rapidement à des échelles beaucoup plus structurantes qui permettent aussi justement construire une action dans la durée. Hein, vous voyez que là, du niveau local, l'origine, le pays de Redon, l'Ille-et-Vilaine, on passe progressivement à un réseau au niveau de Pays de la Loire, et on a le même réseau de structures coopératives au niveau de la région Bretagne, par exemple avec le réseau Taradis. Pour terminer, je présenterai juste très rapidement ces deux expériences qui montrent que cette légitimation justement des acteurs autour du volet économique se structure aussi en utilisant les outils portés par justement le secteur économique classique. Là, à l'image du pays des crêtes péardonnaises, qui s'est articulé avec une société bien connue, de distributeur d'énergie et d'électricité, pour fonder une société à action simplifiée qui lui permet effectivement de développer ses activités. Dernier exemple d'articulation entre les initiatives locales habitantes et justement les instruments de nature programmatique autour des pôles territoriaux de coopération économique qui sont à l'image de celui de Figeacteur, un autre moyen de structurer progressivement un projet territorial autour de l'énergie. Voilà, je vous remercie. Maintenant, nous allons entendre Ségolène Garnier, de la conférence en géographie à l'Université Paris 8, le maire de Nice, parler de jardinier maraîcher. Je ne vais pas vous parler des jardiniers maraîchers parce qu'en fait ils n'existent plus, mais c'était la... je reviendrai à la fin en fait, en conclusion sur mon titre, hein, pourquoi j'avais choisi jardinier maraîcher, paysan ou exploitant. Ce que je voulais évoquer aujourd'hui dans le cadre de ce colloque, c'était une espèce de relecture de l'ensemble de mes travaux de recherche, qui portait pas spécifiquement sur les questions de légitimité, mais sur les dynamiques agricoles périurbaines et agricoles urbaines. Et à travers toutes ces recherches, il semble qu'il y a quelque chose qui émerge autour des tensions entre plusieurs légitimités professionnelles, ou on va le voir non professionnelles. En tout cas, les légitimités sur qui peut prétendre au statut d'agriculteur, ou en tout cas un statut légitime d'agriculteurs, notamment pour l'accès à la ressource et notamment à la ressource foncière, puisque c'est le sujet qui m'intéresse particulièrement dans mes recherches. Donc, je partirai d'un premier constat qui est que quand on travaille sur l'agriculture urbaine ou même périurbaine, en fait, dans le langage courant, on va utiliser ce terme au singulier. Et en fait, ça lisse complètement toute la pluralité des structures, des types de production, de commercialisation, et aussi des enjeux, des fonctions qui lui sont associées. Et donc, dans cette communication, je vais un peu me pencher sur les jeux d'acteurs, puis les différents rapports de pouvoir qui caractérisent cette diversité, cette géographie. L'idée aussi, c'était de poser les termes d'un débat sur les figures légitimes de l'agriculture. Ou des cultivateurs, hein, du statut d'agriculteur, et donc d'un débat de soulever un petit peu le voile sur différents processus de construction de ces figures légitimes qui, il me semble, est souvent très confidentiel, hein, c'est-à-dire le fait de discuter de qui est légitime dans le milieu agricole ou en tant que cultivateur. Existe dans certaines arènes, mais souvent assez confidentielles, en tout cas au sein des gestionnaires de l'espace périurbain ou urbain, hein, qui vont souvent différencier ville et agriculture. Et puis dans l'agriculture, on a une espèce de boîte noire, ou en tout cas avec un seul label, agriculture. Donc l'idée, c'était un peu de rentrer là-dedans avec cette problématique de la légitimité en explorant, alors, et là je reprends un petit peu le terme de l'appel du colloque, hein, en explorant les différentes formes et sources selon lesquelles les légitimités des uns et des autres vont s'exercer et les différents lieux où elles se rencontrent. Donc là, voilà, j'ai appliqué un petit peu cette commande à mes terrains de recherche. Alors là-dessus. Donc, je reviens très rapidement, parce que ça, c'est des choses que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, hein, mais on est un peu dans le contexte, depuis le milieu du XXe siècle, on a une croissance démographique des villes qui se traduit par un phénomène d'étalement urbain, c'est-à-dire l'augmentation de la superficie artificialisée par habitant. Et en France, ça se fait essentiellement au détriment des terres agricoles. Donc on a, au sein des pouvoirs publics et puis aussi des collectivités, toute une réflexion autour des outils d'action sur le foncier pour gérer la préservation du foncier agricole. Mais il me semble que l'étalement urbain va poser aussi un autre défi à l'agriculture, c'est que elle est aussi, dans l'espace qui lui reste, de plus en plus convoqué par la ville. Donc sur un foncier qui est de moins en moins abondant, mais qui va lui être un petit peu, soit parfois protégé, et donc sur lequel on a des porteurs de projets, des porteurs d'initiatives, des cultivateurs, des agriculteurs, qui vont voir cette ressource, certes en diminution, mais comme une ressource, justement. Et en Ile-de-France, qui est mon terrain d'étude, on sait qu'il y a trois phénomènes qui se combinent autour du foncier agricole. Alors le premier, bien sûr, c'est la diminution des terres disponibles, un petit peu comme partout, et particulièrement en Ile-de-France, mais aussi l'existence d'opportunités commerciales qui motivent une demande à l'installation en agriculture, ou en tout cas au développement de pratiques agricoles sur le terrain qui reste. Et troisième phénomène qui va un peu percuter les deux premiers, c'est qu'on a une rétention du foncier par des chefs d'exploitation âgés et sans succession, voilà, qui font qu'autour de ce foncier agricole restant, on va dire, même si c'est quand même 50% de la superficie de la région, hein, c'est pas non plus totalement interstitiel, et ben on a de fortes tensions, de fortes concurrences pour accéder à ce foncier, soit pour s'agrandir, quand on est déjà agriculteur, soit pour s'installer quand on veut porter un projet d'agriculture, et notamment un projet d'agriculture plus de proximité. Donc conserver sa place ou prendre sa place en tant que cultivateur urbain, ça renvoie en permanence à la concurrence bien sûr avec la ville, mais aussi aux différents outils, aux différents acteurs qui gèrent l'allocation et le partage du foncier agricole. Et pourquoi ? Parce qu'ils le gèrent en fait selon des normes qui leur sont propres, hein, à ces différents acteurs qu'on va appeler les acteurs fonciers. Et donc là, je vais revenir un peu sur une espèce de réflexion autour des décalages qu'il va y avoir entre les normes utilisées par les acteurs du foncier et puis les formes d'agriculture qui émergent, qu'on voit sur le terrain quand on le parcourt. Donc là, c'était un peu l'idée de ces diapositives, vous montrer un territoire en Essonne avec, vous voyez, des terres agricoles qui deviennent enclavées au sein d'une zone urbanisée. Donc des terres résiduelles qui vont être fortement protégées généralement par tout un tas de dispositifs, avec des agriculteurs en place à l'heure actuelle, mais une interrogation de nombreux acteurs sur les formes d'agriculture qui pourraient s'y développer. Et là, je reprends une iconographie de l'Agence d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France, pardon, qui a réfléchi aux différentes formes de l'agriculture urbaine en Île-de-France. Alors, je réfléchis à... Je me place en fait un peu dans cette réflexion, dans le comme cadre un peu fondateur, dans le cadre des systèmes fonciers locaux. Alors c'est Guéringer, hein, qui a étudié ces systèmes fonciers locaux, et je trouvais que c'était un cadre intéressant parce que en fait, dans ce cadre de réflexion, on parle vraiment de l'occupation du sol, donc vraiment des changements qui affectent, qu'on va observer dans le territoire. Donc on parle d'une matrice en fait de changement d'occupation des sols pour aller rechercher les différents acteurs qui sont reliés à ces changements d'occupation des sols. Donc c'est bien partir du terrain pour aller chercher les acteurs qui sont liés aux changements qu'on observe sur les différentes catégories de fonciers. et observer les interactions entre à la fois des stratégies patrimoniales de propriétaires, des stratégies entrepreneuriales d'exploitants, et puis les stratégies des gestionnaires de ces espaces-là. Et puis moi je rajouterais des stratégies des habitants, hein, des utilisateurs du territoire qui ne seront pas forcément exploitants agricoles. Ces systèmes fonciers locaux, ils sont pris, il me semble, dans des cadres normatifs et des représentations que se font les différents acteurs de qui est légitime pour accéder au foncier agricole. Et alors là, je reprenais deux verbatim qui montrent un petit peu les décalages qu'il peut y avoir entre certains acteurs, alors la BRIAF, la SAFER, plutôt du monde agricole professionnel, on en reparlera, qui dépeignent les dynamiques agricoles en Ile-de-France en insistant sur la chute du nombre d'exploitants agricoles et donc sur la difficulté de l'agriculture à se maintenir dans cette région. Donc un tableau assez pessimiste, assez noir, hein, de la dynamique agricole. Et puis en face, d'autres acteurs, dont l'Institut d'aménagement et d'urbanisme et d'autres qui ont publié récemment un état des lieux de l'agriculture en Ile-de-France, pour qui l'agriculture urbaine, alors qu'on est en France, mais c'est un papier spécifiquement sur l'Île-de-France, a un développement exponentiel. Et donc en fait, on a deux mots pour décrire deux dynamiques de terrain qui, là, sont complètement contraires, qui, il me semble, renvoient à des systèmes normatifs de qui est derrière, en fait, le terme agriculture. Donc, c'est un peu de ça que je voudrais parler. À partir donc d'une synthèse que je fais, bon, bien sûr d'une revue de littérature, et puis aussi d'enquêtes de terrain, d'observations menées sur le terrain francilien depuis une dizaine, voire même une quinzaine d'années, si je remonte au tout début, à partir desquelles j'ai essayé d'identifier des lignes de partage, hein, des lignes de tension qui structurent l'allocation du foncier agricole, on va dire du foncier cultivable, des terres libres, aujourd'hui en Ile-de-France. Alors, en fait, je voulais évoquer dans un premier temps une ligne de partage, alors là qui est, il me semble, que je voulais réévoquer parce qu'elle a existé, on va dire, dans le débat à un moment, et puis aujourd'hui elle n'existe plus du tout. Donc c'est la distinction entre des cultivateurs, je ne vais pas les appeler agriculteurs pour éviter justement la confusion, des cultivateurs qu'on va dire plutôt amateurs, et puis des professionnels. Alors pourquoi il n'y a plus de débat, c'est que on se pose plus la question de quand on parle de foncier agricole, on se pose plus la question de la légitimité de non professionnels d'accéder à ce foncier, notamment des fonciers qui seraient dans des zonages dits à vocation agricole dans les plans d'aménagement d'urbanisme. Or, cette tension entre cultivateurs amateurs, alors qu'on peut appeler jardiniers, et des professionnels, elle existe, elle a émergé en fait avec l'apparition justement des jardins ouvriers à la fin du 19e siècle. Les jardins ouvriers, quand on en fait la promotion au 19e siècle, c'est, je ne fais pas toute l'histoire, hein, mais c'est sur la base du concept du terrianisme. Le terrianisme, ça se basait sur le principe d'une petite propriété insaisissable et assurée à tous, et qui avait pour vocation principale de subvenir à ses moyens, à la subsistance d'un foyer. Donc pour les promoteurs jardins ouvriers, sont légitimes pour l'accès au foncier cultivable, aux terres libres, les chefs de famille, qui vont pouvoir assurer ainsi la subsistance de leur foyer. Et ils ne vont pas hésiter dans les territoires urbains ou périurbains qui s'urbanisent de plus en plus à remettre en question la légitimité professionnelle de l'agriculture, et notamment de ces fameux jardiniers maraîchers, donc, qui étaient à l'époque vraiment une corporation professionnelle très puissante dans l'agglomération parisienne. Donc les représentants de jardins ouvriers ne vont pas hésiter à remettre en question le fait qu'on ait des maraîchers sur un terrain. Alors on va dire, bah oui, mais le terrain il est beaucoup trop vaste pour une seule personne, pour une seule famille, c'est vraiment du gâchis. En plus, il y a toute une partie de ce terrain qui est pas mis en culture, bah oui, parce qu'il est utilisé pour mettre les machines agricoles, tout ce qui est nécessaire en fait à la modernisation de la pratique. Et donc il y a un débat qui va se créer de légitimité entre un chef de famille qui cultive pour son foyer et des personnes seules. Alors du coup, là, on oublie complètement qu'ils ont une activité justement économique et que c'est de là que vient la différence entre les deux modèles. Et dans certaines communes, donc on voit des jardins maraîchers qui vont gagner en fait hein, cette bataille, qui vont prendre la place de jardiniers maraîchers et donc de professionnels. Ce rapport de force, il va basculer à partir des années 50, puisque à partir des années 50, les organisations professionnelles agricoles obtiennent le mandat du contrôle des terres, et qui va faire du gouvernement du foncier un domaine privilégié d'exercice du pouvoir des organisations professionnelles agricoles. Et à ce moment-là, donc, la profession agricole va imposer comme règle d'arbitrage un principe selon lequel la terre revêt d'abord la forme d'un outil de travail agricole. Donc là, on quitte complètement la question du bien inaliénable et du moyen de subsistance, hein, on bascule dans la terre outil de travail. Et donc à partir des années 80, pendant que tous les acteurs de la planification urbaine commencent à réfléchir, à se dire qu'il faut commencer à réfléchir à la consommation des terres d'exploitation agricole, tous les jardins familiaux, enfin beaucoup de jardins familiaux vont disparaître, hein, en silence. Ils ne sont pas considérés comme des terres agricoles, ils ne sont pas dédiés à la production agricole. Aujourd'hui, il y a une espèce de renaissance des jardins familiaux, et cette question de leur légitimité au sein des espaces ouverts, elle n'est toujours pas abordée à l'échelle des cadres nationaux, hein, des normes qui régissent le partage des terres. Par contre, quand on va sur le terrain, il y a tout un tas d'arrangements, de bricolage sur le terrain, où on va, une commune va ne pas prolonger le bail à ferme sur une terre communale pour pouvoir y installer des jardins partagés. Donc là, clairement, on a des légitimités, une hiérarchie des légitimités différentes. Et à l'inverse, des PLU qui vont bien inscrire dans le PLU qu'on n'a pas le droit de mettre des jardins familiaux sur les terres agricoles. Donc c'est un débat qui ressort, hein, mais qui est ancien. Alors, je vous disais, à partir des années 50 et puis jusqu'à aujourd'hui, fidèles à leur mandat de protection de la terre comme outil de travail agricole, les organisations professionnelles vont s'accorder sur un ensemble de normes qui, pour eux, permettent de garantir justement la vocation agricole du foncier. Alors, la vocation agricole face à la ville, ça c'est généralement ce qu'on étudie très souvent quand on s'intéresse à l'agriculture périurbaine. On va pouvoir protéger, mettre en défend certaines terres agricoles face à la ville. Mais ces normes-là veulent aussi défendre un autre aspect de ces terrains, c'est leur spécialisation productive et le fait qu'elles vont participer à l'économie agricole nationale. Donc on va définir des tailles minimums de foncier pour pouvoir accéder à ces terres, des projets qui vont être... qui devraient générer des revenus majoritairement issus de l'activité agricole, une formation technique en agriculture. Donc voilà, on le protège de la ville, mais en adoptant tout un tas de normes spécifiques qui vont déterminer qui est légitime dans l'usage de ce foncier. Alors, par rapport à ce mouvement qui est encore très structurant, hein, de l'action de la profession agricole via son bras armé qui est la SAFER. Je finirai rapidement. On a des nouveaux acteurs qui vont tenter de favoriser des exploitations agricoles, des agriculteurs ou des cultivateurs qui justement ne rentrent pas dans ces référentiels normatifs. Alors souvent on dit que ce sont des projets dits atypiques qui vont s'installer hors du cadre familial, alors qui n'est pas totalement hors norme, mais presque, hein, pour certaines représentants de la profession, et qui relèvent souvent du modèle paysan de l'agriculture. Enfin, c'est pour ça que j'ai mis exploitant versus paysan. Et donc là on a en fait de nouveaux acteurs fonciers qui arrivent sur la scène et sur le gouvernement du foncier. C'est d'une part des collectivités locales qui, en Ile-de-France, développent des conventions avec la SAFER pour pouvoir finalement accéder au foncier agricole, donc être garante finalement de la vocation agricole et constituer un patrimoine de terres exploitables au niveau de la collectivité. Et souvent ensuite elles vont faire du portage foncier pour ces fameux projets agricoles dits atypiques ou dits paysans, plus en lien avec les consommations ou les demandes locales. Ces collectivités vont souvent aussi se rapprocher d'un autre acteur très important, d'un nouvel acteur foncier, qui est donc Terre de Liens, qui va souvent agir avec eux. Là, donc, comme de toute façon j'ai dépassé mon temps et que vous aurez demain une présentation complète sur Terre de Liens, je ne vais pas plus loin. Et puis dernier point, alors là donc on voit arriver en fait sur la scène du gouvernement du foncier agricole deux nouveaux acteurs qui vont tenter de porter les nouvelles régimes de légitimation en fait de certains modèles agricoles. En fait on a une autre réponse face à ce contrôle des structures par le gouvernement du foncier. En fait ce sont de nouveaux acteurs agricoles qui cherchent à exploiter, à devenir agriculteur, à pratiquer l'activité agricole, qui vont se placer en dehors de l'espace du foncier agricole, justement. Donc soit des cultivateurs ou des agriculteurs sans terre, ou alors sur des surfaces qui ne sont pas éligibles aux aides de la PAC, et donc qui ne sont pas, on va dire, qui sont sous le radar des représentants de la profession agricole, et qui ne sont pas, en tout cas, dans leur espace d'exercice de leur pouvoir. Donc là, je m'étais ferme contre start-up, bon, c'était un peu pour illustrer la montée en puissance, alors très très récente, mais de tout un tas d'entreprises qui vont parfois être inscrites à la chambre d'agriculture en tant qu'entreprise paysagère. Certaines, vraiment très grande exception, peuvent avoir le statut d'exploitant agricole et émarger aux aides de la politique agricole, mais j'en connais qu'une à l'heure actuelle, et vont être vraiment dans la dynamique d'entreprises, de start-up, qui recherchent des innovations techniques, pas forcément high-tech, mais pour finalement pouvoir développer des activités agricoles en dehors du foncier réservé à l'agriculture. Et là, on a tout un tas d'acteurs privés, mais aussi publics, qui vont légitimer ces activités en leur donnant justement un accès à des espaces dans lesquels ils peuvent mettre en place ces activités. Donc, on vous dit, on est hors du foncier agricole, mais on est quand même quelque part, on est sur un sol sous les pieds, que ce soit un bâtiment, un espace public, un parc. Et donc ça, tout ça, ce sont des nouveaux acteurs. Public, bien sûr, on pense à la mairie de Paris, à Paris Culteur qui fait la promotion de l'agriculture sur les toits, mais il y a aussi énormément d'acteurs privés qui ont aussi des bâtiments, aussi certains terrains, qui ont des fondations et qui soutiennent en fait tout ce réseau qu'on commence à appeler un peu les start-up de l'agriculture urbaine, un peu pour justement les différencier du monde agricole. Voilà, c'était un petit peu le mot de la fin. Je vous avais promis au début de revenir sur les trois termes que j'avais utilisés, donc jardinier, maraîcher, paysan, exploitant. En fait, pour moi, c'était une référence très francilienne en fait à la problématique de la concurrence pour l'accès aux fonctions agricoles, qui avait été décrite par à la fois Philippe dans sa thèse sur la vie rurale et la banlieue, vraiment au tout début du XXe siècle, et puis Jean-Michel Roy qui a retracé toute l'histoire de ces jardiniers maraîchers. Et finalement, ces deux grandes études montraient le basculement entre deux moments, avec une reconfiguration complète des légitimités agricoles. Donc on n'est peut-être pas forcément dans un moment de basculement, puisque le gouvernement du foncier reste encore un domaine très privilégié d'exercice du pouvoir de la profession agricole pour légitimer certains modèles, mais on voit apparaître des stratégies qui viennent perturber ce mouvement historique, soit une stratégie d'intégration au gouvernement du foncier, soit une stratégie de soutien alternatif de ce qu'on va appeler les illégitimes, ceux qui ne sont pas reconnus comme légitimes. Donc l'image que j'avais prise pour illustrer cette diapo, c'était donc cette salade qui pousse dans un sol de 60 cm de profondeur, qui est plantée par un jeune maraîcher, un chef d'exploitation, qui a été formé dans une école d'ingénieurs agronomes à Combloux en Belgique. Mais tout ça, ça se passe à 40 mètres au-dessus du sol, hein, sur les toits du Fashion Center d'Aubervilliers. Donc là, on est vraiment dans un modèle très hybride, mais qui, voilà, au fond, sortir d'autres questions que juste l'agriculture en ville, mais vraiment renvoie tout un tas de questions au monde agricole et à ses processus de légitimation. Voilà, excusez-moi, c'est très indiscipliné. Donc nous entendons Romain Fèche qui représente un collectif. Enfin, vous étiez au départ un collectif, donc qui alignera le Mirecourt. Je peux retirer la clé ou... Oui, c'est un lien, je crois. Collectif, collectif de chercheurs de l'unité Star-Mirecourt. Donc je vais vous parler et témoigner un peu de la dynamique agricole qui est en cours sur le territoire de Mirecourt et qui se retrouve autour de la construction d'un système agricole et alimentaire sain et localisé, donc dans un territoire rural, et qui se trouve finalement un peu entre initiative locale et une reconnaissance institutionnelle. Je vais revenir un peu sur l'enjeu de cette dynamique, sur la problématique et le cadre théorique, faire un petit détour sur le terrain et la méthode, et puis après je présenterai deux approches, deux démarches qui se retrouvent autour de cette dynamique. Donc celle d'un living lab agricole et alimentaire et de l'autre côté d'un projet alimentaire territorialisé. Voilà. Donc, en fait, cette dynamique agricole, comme dans de nombreux autres territoires, essaye de s'inscrire dans une volonté finalement de répondre à des solutions et des problèmes liés à l'alimentation qui sont d'ordre environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques. Et en fait, cette volonté d'apporter des solutions se concrétise finalement à travers une volonté de reconnecter agriculture et alimentation pour pouvoir construire des systèmes agricoles et alimentaires plus durables. Selon certains auteurs comme Lamine Chifolo, la construction de ces systèmes agricoles et alimentaires plus durables repose finalement sur de nouvelles interactions entre les acteurs économiques, la société civile et les politiques publiques. Donc, finalement, c'est une nouvelle façon de penser la gouvernance alimentaire, donc du coup une gouvernance alimentaire territorialisée qui est un peu en jeu. Donc pour nous, la gouvernance alimentaire territorialisée, c'est finalement... Du coup, un processus dynamique de coordination, de hiérarchie, de conflit et de concertation entre des acteurs publics et privés aux identités multiples et aux ressources, donc ressources au sens large, que ce soit pouvoir, relations sociales, capital financier, qui sont relativement asymétriques. Et donc, du coup, qui se retrouvent autour d'enjeux alimentaires territorialisés. Donc, dans le cadre de la dynamique, l'innovation se retrouve à la fois sur le fond et sur la forme. D'abord sur le fond, à travers des enjeux de nouveaux modes de production et de nouveaux circuits de vente, mais aussi sur la forme, avec de nouveaux moyens et notamment un travail important au niveau de l'implication citoyenne, mais aussi une articulation entre les initiatives locales et des politiques publiques. Donc, du coup, l'innovation se retrouve à finalement entre deux mouvements. Donc pour nous, il s'agit surtout d'innovation sociale et ouverte. On retient donc les définitions du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Donc du coup, innovation sociale et ouverte, ça se retrouve finalement entre deux mouvements, un mouvement plutôt descendant et une tendance à la territorialisation des politiques publiques agricoles et des interventions alimentaires. Donc on peut citer comme exemple notamment les injonctions pour le 20% de bio et local en restauration collective, mais aussi la gestion foncière par les collectivités territoriales. Et autre exemple, la labellisation projet alimentaire territorialisé, dispositif du ministère de l'Agriculture. Et donc parallèlement, on a un mouvement qui est plutôt ascendant, avec un déploiement d'initiatives locales et citoyennes qui se posent un peu en alternative finalement, mais qui ont tendance à rester des initiatives de niche pour l'instant. On peut citer au niveau de la commercialisation, par exemple, le mouvement des AMAP. On voit un développement aussi des magasins de producteurs, des groupements d'achat solidaires. Et au niveau, par exemple, enfin, plutôt de la distribution et de la production, le développement d'outils de transformation mutuelle. Donc, ces deux mouvements vont renvoyer à des formes de légitimité différentes. Et du coup, ce qui nous intéresse, nous, c'est de s'interroger finalement sur le fait que cette dynamique d'innovation sociale et territoriale qui est plutôt ascendante et donc reliée finalement au milieu de vie des gens, s'interroger sur la manière dont elle est compatible avec une inscription plus... on va dire à des dispositifs plus normatifs a priori, bien sûr, mais des dispositifs nationaux donc qui émanent de ce mouvement plutôt descendant. Donc du coup, on va s'interroger sur les légitimités recherchées, les tensions qui peuvent intervenir entre ces différentes dynamiques et les conséquences pour la coordination et la gouvernance alimentaire territorialisée. Donc un petit détour par le terrain en fait, donc les initiatives agricoles et alimentaires dont je vous parle prennent place en fait sur le territoire de Mirecourt que vous avez juste ici, donc qui se situe finalement à une heure au sud de Nancy et une demi-heure à l'ouest d'Épinal, donc dans le département des Vosges. On voit aussi que du coup le territoire de Mirecourt n'est pas soumis à l'influence des pôles urbains que sont Nancy et Épinal, contrairement à peut-être des territoires qui se situeraient plutôt en périurbain. Voilà. Donc en fait Mirecourt est une petite aire urbaine selon l'INSEE, mais finalement on pourrait considérer que c'est une petite ville de 5325 habitants, mais qui s'insère vraiment dans un territoire rural. En fait, dès que vous dépassez la ville, c'est complètement la campagne. Mirecourt, donc, qui est marqué par le territoire de Mirecourt est marqué par un taux de chômage et un taux de pauvreté important, taux de pauvreté de près de 24% sur le territoire de Mirecourt, bien largement au-dessus de la moyenne des Vosges et de la France. Également une faible densité de population et un déclin démographique relativement fort qui a été amorcé à peu près dans les années 75 et qui se poursuit de manière plus ou moins continue. D'un point de vue agricole, donc le territoire de Mirecourt se situe dans une zone de revitalisation rurale qui est très spécialisée en polyculture élevage. Alors on pourrait penser que du coup une zone de polyculture élevage finalement d'un point de vue agricole c'est pas entre guillemets, pour parler familièrement, pas si pire que ça, mais en fait c'est une spécialisation qui est très marquée avec une déconnexion forte entre polyculture et élevage d'un côté. Donc du coup il n'y a pas de corrélation entre la production de céréales par exemple et l'élevage bovin qui est particulièrement dominant. Voilà, quelques industries agroalimentaires pour voyer l'emploi, mais très peu. Et puis une dynamique d'agriculture biologique et de développement des circuits courts qui commence à émerger, mais qui est relativement récente et marginale comme sur l'ensemble du territoire, mais d'autant plus que par rapport à d'autres régions, comme par exemple la région Rhône-Alpes. Après on est dans les Vosges, donc voilà. Par rapport aux initiatives qui font partie de ce mouvement un peu ascendant autour de la co-construction d'un système agricole et alimentaire, il y en a toute une diversité. Je vais passer peut-être rapidement. Donc, il y a des jardins familiaux qui sont portés par une association qui fait entre guillemets de l'intégration socio-économique, pardon, socio-culturelle auprès de publics précaires, qui s'est rendu compte en fait qu'il y avait finalement un vrai besoin d'accès à une alimentation saine et qui a décidé de mettre en place des jardins familiaux. Il y a aussi la réalisation de marchés bio et le développement de points de dépôt bio et locaux autour donc de deux principaux acteurs, un café citoyen et participatif qui s'appelle le Café Utopique et un collectif de producteurs de l'Ouest Vosgien, donc producteurs bio. On a aussi été une initiative de développement d'un jardin partagé en fait jouxtant les jardins familiaux et qui implique différents acteurs du territoire, dont un lycée agricole, l'unité de recherche Aster, le Café Utopique dont on a parlé tout à l'heure, l'association d'intégration socio-culturelle, et une association d'éducation populaire qui œuvre en milieu rural, donc la Fédération des foyers ruraux. On a aussi une autre initiative marquante qui est finalement un chantier participatif autour d'une parcelle de maraîchage de plein champ, donc qui mobilise des personnes de l'unité autour d'une parcelle appartenant à l'INRA, parce qu'en fait le collectif Aster, enfin l'unité de recherche Aster pardon, dispose d'une ferme expérimentale, donc du coup question agronomique, mais qui du coup maintenant attend à devenir, enfin à mener des expérimentations aussi dans un cadre on va dire social. Et qui du coup mobilise certains des acteurs qu'on a vus. On a aussi des initiatives un peu plus entre guillemets plus périphériques, notamment des acteurs qui se mobilisent autour de la restauration collective pour faire des études de faisabilité au niveau du territoire, savoir comment on pourrait réintégrer un approvisionnement d'eau locale la restauration collective du territoire, un projet de création d'une légumerie conserverie aussi et d'un pôle de ressources alimentation saine durable qui est cette fois porté par le pôle d'équilibre territorial de l'Ouest des Vosges. Voilà, en fait, l'ensemble de ces initiatives retrouve dans un projet de recherche-action en fait, qui mobilise ces différents acteurs dans le cadre de la co-construction d'un système agricole et alimentaire territorialisé. Pour ce qui est de la méthode, du coup, elle repose principalement sur une observation participante qui est fondée sur trois éléments. Donc, d'abord, une animation et un accompagnement des dynamiques qui sont liées aux initiatives agricoles et alimentaires. Donc, il s'agit notamment de faire un peu de formalisation de l'organisation en train de se structurer, de proposer des analyses réflexives pardon, qui sont partagées avec l'ensemble des acteurs mobilisés. C'est aussi un travail d'animation de réunions et de développement d'outils d'échange d'informations, comme par exemple une lettre d'information à destination de l'ensemble des acteurs mobilisés. Il y a aussi le fait que l'unité de recherche, via son installation expérimentale, en fait, est identifiée aussi comme un acteur agricole producteur sur le territoire, avec une ferme du coup en agriculture biologique depuis 2004 et qui s'engage sur une diversification de ses productions à la fois animales et végétales et qui du coup pour l'instant commercialise en filière longue parce qu'en fait c'était historiquement comme ça qu'elle commercialisait et la commercialisation n'était pas le souci de l'installation mais qui du coup est rentrée dans une réflexion pour commercialiser au niveau du territoire. Et aussi donc participation observante qui est fondée sur une génération de connaissances sur et pour ces dynamiques. Donc j'ai par exemple une collègue qui travaille en fait sur une espèce d'observatoire des circuits courts dans l'Ouest Vosgien. Donc qui a visé finalement au service de ces dynamiques. Et du coup tout ça est complété finalement par une analyse de matériaux plus traditionnels. donc des entretiens menés avec les différents acteurs, l'analyse des contenus de projets déposés par les différentes initiatives et les enregistrements de réunions. Donc, du coup, en fait, finalement, il y a une sorte de dualité dans ce projet de recherche-action entre des acteurs qui sont porteurs d'une démarche donc de Living Lab agrémentaire dont fait partie l'unité de recherche. Donc, juste rapidement pour vous présenter ce que c'est un Living Lab agrémentaire. Donc, le concept de Living Lab est un peu un concept valise, mais qui présente un certain nombre d'éléments structurants, notamment l'implication des usagers dans le processus de conception. Que ce processus de conception de l'innovation soit mené dans un contexte de vie réelle et en partenariat étroit avec des acteurs parties prenantes. Donc c'est ce qu'on appelle généralement le Public-Private People Partnership. Voilà, donc pour nous, en fait, on se sert de cette démarche pour promouvoir une implication citoyenne forte sur le projet. Donc l'idée, c'est à travers les initiatives, notamment l'initiative du jardin partagé et de la parcelle de maraîchage de plein champ, d'amener en fait des acteurs citoyens à s'impliquer dans les initiatives et de s'y intéresser alors qu'ils n'auraient pas forcément, et dont ils peuvent finalement bénéficier et de les inviter à s'impliquer alors qu'ils ne l'auraient pas forcément fait au départ, et pour les amener finalement à être ensuite eux-mêmes éventuellement porteurs d'initiatives et être accompagnés par le collectif d'acteurs mobilisés pour concrétiser ces initiatives. Donc du coup, en parallèle, l'idée c'est d'associer étroitement les différents partenaires, dont les citoyens qui sont considérés comme parties prenantes. L'idée c'est finalement, pour la faire en raccourci, de mobiliser les compétences qui sont présentes sur le territoire et de faire en sorte, enfin, d'amener ces acteurs à avoir une réflexion collective et des actions le plus possible collectives pour avoir finalement un développement d'un projet de territoire qui soit cohérent et non plus des initiatives dispersées qui agissent chacune de leur côté. Donc, l'idée, c'est de promouvoir finalement des conditions d'innovation qui peuvent venir de l'ensemble de ces différents acteurs pour faire émerger des innovations sociales et ouvertes sur le territoire, donc toujours dans le cadre d'une alimentation saine et durable. En fait, cette approche finalement participe à un renouvellement des rapports de légitimité des acteurs dans la transformation de leur milieu de vie, et particulièrement des citoyens, mais aussi des différents acteurs. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de donner cette place aux citoyens dans le projet dans ce projet de territoire, citoyens qui sont généralement plutôt délaissés de ces projets de territoire au niveau agricole et alimentaire, et qui ont finalement au lieu souvent une place dans le cadre d'une consultation, pas vraiment d'une concertation. Donc face à cela, en fait, il y a une volonté de la part de certains acteurs de faire labelliser la dynamique en cours selon le dispositif du ministère de l'Agriculture, donc projet alimentaire territorial. Et en fait, ce dispositif finalement n'a pas de réelle définition. La caractérisation de ces projets alimentaires territoriaux est relativement large pour permettre finalement à l'ensemble des dynamiques qui ont lieu sur les différents territoires de pouvoir être labellisées et d'obtenir finalement une légitimité à agir au niveau agricole et alimentaire sur les territoires. Mais cette labellisation finalement est quand même soumise à une formalisation relativement importante des projets, dans le sens où il faut notamment envisager de présenter des objectifs ainsi qu'un calendrier d'action pour répondre à ces objectifs et un processus d'évaluation. Donc du coup, en amont finalement de tout projet ou en cours, quoi. Mais du coup, il y a quand même une formalisation relativement importante. Donc du coup, ce dispositif est utilisé par certains acteurs comme un moyen de légitimer leur action sur le territoire, donc vis-à-vis particulièrement d'acteurs comme la Chambre de l'Agriculture, qui est souvent un acteur présents dans ces projets alimentaires territoriaux. Donc l'idée pour le code, pour les acteurs qui sont présents dans le collectif et qui souhaitent être labellisé projet alimentaire territorial, c'est finalement d'instituer cette dynamique et de marquer son antériorité par rapport aux autres acteurs. L'idée derrière, c'est d'ancrer ces valeurs pour que finalement d'autres acteurs qui souhaiteraient prendre part à la dynamique soient finalement obligés de s'insérer dans la dynamique en cours et ne puissent pas remettre en cause ce qui a déjà été envisagé sur le territoire par le collectif d'acteurs mobilisés. C'est aussi un moyen finalement pour ces acteurs de nouer un dialogue avec les élus qui étaient les élus locaux qui étaient pour l'instant qui suivaient la dynamique à distance, intéressés mais qui n'avaient pas forcément envie de s'impliquer pour l'instant. Il faut rapporter aussi ça en fait à un foisonnement d'initiatives sur ce petit territoire qui du coup avait tendance un peu à perdre les élus et qui disait qui porte quoi, on ne sait pas trop, on n'a pas trop de visibilité. Donc vous me parlez d'un projet alimentaire territorial, donc ce serait bien, comme ça nous on aurait un porteur de projet en face de nous à qui s'adresser et du coup les choses seraient plus simples. Il y a aussi un enjeu financier à travers ce dispositif projet alimentaire territorial, car une partie du collectif d'acteurs en fait voit qu'il y a un besoin de financement pour les différentes actions et initiatives et pense que justement cette reconnaissance en tant qu'acteurs mobilisés sur ce territoire via le dispositif projet alimentaire territorial leur permettra d'accéder à ces différents financements. Pour un certain nombre d'entre eux, c'est aussi l'occasion de créer un espace de coordination et d'échange qui, même s'il est finalement un peu présent dans l'approche Living Lab, ne leur paraît pas suffisamment important. Donc il y a aussi un problème au niveau du travail partenarial. L'idée, c'est de renforcer la dynamique d'action collective. Donc, je vais rapidement. Donc, tout ça, ça reste cohérent avec finalement un projet alimentaire territorial. Et juste pour terminer, en fait, on voit qu'il y a des tensions qui émergent, surtout au niveau du processus d'innovation. Donc, entre d'un côté le projet alimentaire territorial qui est a priori assez normatif par rapport à un processus d'innovation, une approche de type Living Lab, où à chaque il y a une mise en débat continue en fait des objectifs, des actions, des initiatives pour co-construire ce système agricole et alimentaire territorialisé par rapport à une dynamique projet alimentaire territorial qui finalement est relativement ancrée dès le départ. Du coup, on a des tensions aussi au niveau du type de légitimité attendue et mobilisée, mais qui apparaissent finalement quand même complémentaires. Finalement, le projet alimentaire territorialisé impose d'être cohérent dans la dynamique avec des observations, un diagnostic, on va dire, qui est plutôt national ou régional, donc avec une inscription dans le projet. Dans le programme national pour l'alimentation et les programmes régionaux pour l'agriculture durable, même s'ils ne sont pas forcément incohérents avec le diagnostic qui peut être fait par les acteurs et par les citoyens au niveau local, c'est finalement un moyen aussi d'apporter une légitimité aux actions qui se font sur ces territoires. Et du coup, une mise en tension avec une légitimité qui est plutôt par le bas, on va dire, dans le sens où c'est les acteurs du terrain et citoyens qui peuvent réaliser leur propre diagnostic sur leur... Enfin voilà, c'est l'idée d'opposer leurs besoins par rapport à des objectifs plus nationaux et régionaux. Voilà, merci. Avec des collègues du ministère de l'Agriculture, on va se lancer dans une mission d'inspection initial, c'était de nourrir les gens. Et ça reste aujourd'hui le principal slogan de l'agriculture classique majoritaire. Même elle est passée à un autre niveau de nourrir la planète. Ce qui explique qu'elle doit augmenter ses rendements, fournir un maximum d'aliments pour des prix par élevés, etc. etc. Alors après, suite à différents scandales, on a fini par introduire dans la dernière loi d'orientation agricole, l'avenir pour l'agriculture, ça s'appelle comme ça, l'idée qu'il faut des aliments sains et éventuellement de qualité gustative, équipée. Et puis, également dans ces textes législatifs sur l'agriculture, on introduit aussi l'idée qu'il faut que l'agriculteur produise des services écosystémiques, c'est-à-dire protection de la nature, promotion de la biodiversité, c'est-à-dire qualité de l'eau, facile, gestion des risques naturels, occuper le terrain pour éviter que ça s'écroule, et puis production d'aménités, c'est-à-dire à la fois de zones de délassement pour les citadins, parcs agricoles, ce genre de choses, et puis attractivité touristique, puisque une grande partie de l'attractivité de notre pays, qui rapporte beaucoup en termes de balance des paiements, tient à la diversité des terroirs, donc des paysages agricoles, des paysages créés par les agriculteurs. Donc voilà, je ne sais pas comment, dans le cadre de notre colloque, les choses peuvent s'articuler sur cette plurilégitimité agricole, mais ce que nous répondent en principe les agriculteurs, c'est d'accord, notre métier c'est de nourrir aussi correctement que possible, mais pas trop cher, parce que les gens vont qui. Les prix ne sont pas trop élevés, mais pour le reste, comment on se paye? En gros, est-ce qu'on a les moyens, avec nos ventes de produits alimentaires, de vous rendre aussi les services que vous nous demandez? Et si vous voulez ces services, êtes-vous prêt à payer, puisque le monde agricole, depuis les années 50, on l'a habitué à ne rien faire sans salaire? D'autres questions? Non, vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre à ton bureau, vous organiser, ouais. Si quelqu'un se sent plus à l'aise. C'est souvent le débat qu'il y a. Moi j'ai juste un petit point, c'est que souvent quand je parle avec pas des représentants de la profession agricole, mais avec des agriculteurs ou des céréaliers par exemple en Beauce, ils ne me disent pas forcément que leur métier c'est de nourrir, ils me disent que leur métier c'est de produire. Et c'est important parce que j'ai déjà eu comme réflexion, s'il y a trop d'haricots cette année, vaut mieux les laisser dans les champs, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Parce que forcément, son réseau, c'est l'usine qui lui achète ses haricots, et donc s'il y a trop de haricots, le cours diminue, et donc bien sûr que pour lui, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. C'est pas du tout ce que je remets en question. Mais du coup, cette question de la mission première de la culture, c'est nourrir. Oui, mais je sais pas si c'est vraiment ce paradigme-là qui est suivi quand ensuite on réfléchit aux politiques agricoles, à la façon dont on organise l'agriculture. Parce que je pense qu'à un moment, il y a très vite une substitution de nourrir par produire, et qui quand même change pas mal la donne dans les choix qui sont faits, même d'un point de vue politique publique. Et après, la question que vous posez, et c'est fondamental, bien sûr, que si on demande aux terres agricoles et à ce qu'on fait dessus d'assurer l'alimentation, des services environnementaux, des aménités, etc., bien sûr que si vous posez la question aux personnes qui aujourd'hui sont en charge de la gestion de ces terrains, ils ne peuvent pas. Et donc la question qui se pose, c'est qui peut assurer ces missions? Et tant qu'on ne veut pas se poser cette question, parce que c'est une question qui ne rentre pas dans le débat des représentants professionnels agricoles, par une logique tout à fait politique, parce qu'ils représentent les gens qui y sont, et donc ils ne vont pas représenter des gens qui n'y sont pas. Mais donc je pense qu'il y a une question fondamentale derrière, c'est qui peut assurer ces missions? C'est pas forcément une personne sur un hectare, c'est peut-être plusieurs personnes sur un hectare, ou une personne sur plusieurs hectares avec d'autres personnes. Enfin, il y a vraiment des innovations, puisque c'était le thème là, mais il faut vraiment comme diraient les Anglais, hein, penser, enfin moi je pense, il faudrait penser en dehors de la boîte du schéma les agriculteurs d'aujourd'hui sur le foncier agricole d'aujourd'hui. C'est vrai que pour répondre à ce qu'on leur pose comme enjeu, c'est pas possible, mais donc la réponse c'est, là, c'est oui, il faut changer le schéma. Il y a peut-être d'autres réponses. Une remarque et une question. Donc la question questionne vous trois. Vous semblez mettre en tension, dans un contexte que M. Thibault a rappelé, on peut rajouter aussi une approche de vos territoires d'analyse, comme le président actuel le définit. Il explique très bien qu'il y a, enfin, c'est sa manière de penser, hein. Il n'y a pas de territoire sans avenir, il y a des territoires sans projet. C'est la phrase exacte que le président Macron a expliquée. Donc il y a une injonction de projet, c'est ce que je veux dire. Il y a actuellement, dans le champ politique de la légitimité d'en haut, une injonction de projet qui est évidente. Or, ce que vous avez démontré, c'est la capacité latérale, dirait Rifkin, d'expérimentation de nombreux projets sur les questions énergétiques, agri-alimentaires, de développement de nouvelles formes d'agriculture périurbaine, qui se passent dans une forme de marge, qui, d'une manière ou d'une autre, à un moment de leur trajectoire longue, ce qui de fait exclut un accompagnement politique de type table ronde de ce matin, puisqu'on n'est pas dans le temps politique traditionnel des mandats locaux, par exemple. Donc on est plus dans l'idée du territoire de projet, d'accompagnement de ce type-là, PNR, etc. Donc c'est une création à la marge, presque expérimentale, a souvent à ses origines, qui à un moment donné convoque l'idée d'innovation, et y compris à mi-recours d'innovation sociale, qui est revendiquée comme telle, si j'ai bien compris, Romain, votre approche, et qui, à un moment donné de sa trajectoire, c'est-à-dire, je pense, aujourd'hui, se confronte avec un vrai risque à l'idée de la norme, c'est-à-dire de l'inclusion, en quelque sorte. Et est-ce que la question, c'est, est-ce que ce risque, qui est, on verra demain peut-être avec Terre de Liens aussi, parce que c'est une vraie réflexion qui mène énormément d'acteurs de terrain qui sont depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans dans ces champs expérimentaux, c'est pas le plus grand risque de cette trajectoire d'évolution de ces expérimentations qui, pour beaucoup d'entre elles, ont enrichi considérablement des territoires pauvres, des territoires relégués, des territoires isolés, des territoires catégorisés comme sous les écrans radars, etc. Donc ça se pose bien à vous trois. Bon, en attendant que Romain réagisse. Oui, c'est un point de lecture auquel j'aurais prolongé mon analyse. C'est un risque et en même temps, j'étais obligé de passer assez rapidement sur les exemples que j'ai développés, mais on voit que l'itinéraire assez long finalement de ces projets, en tout cas dans le panel qui concerne les écoutes territoriales UNADEL, montre qu'il y a aussi en permanence souvent une manière de négocier avec la norme. Alors, avec des ratés. Enfin, des ratés, enfin, par exemple, un exemple que tu connais bien, sur la Deux-Vallées, dans la mesure où on n'est jamais à l'abri d'un certain nombre de ruptures qui sont justement imposées, enfin, qui surviennent du fait de cette dynamique normative. Alors, les appels à projets dits structurants s'arrêtent brutalement, parfois même dans les échéances qui ne sont pas celles qui sont annoncées initialement. Et notamment, un des volets que je n'ai pas pu développer, mais c'est celui de toute l'ingénierie de la transition, on va appeler ça comme ça, qui est développée dans ces territoires, et qui, même 10-15 ans après les premières initiatives, n'est toujours pas sécurisée. Et c'est toute cette compétence en capital technique, social, amenée notamment par les techniciens, développée par les techniciens, les élus, les associations impliquées, qui peut facilement s'étioler assez rapidement, sous l'effet justement de normes qui vont changer dans la structuration des appels à projets, dans la capacité à pouvoir financer des emplois pérennes ou pas. Donc c'est un risque bien réel, effectivement, je n'ai pas pu le développer, mais l'un des volets qu'on étudie particulièrement, c'est celui des ruptures dans les trajectoires de nos territoires, qui viennent marquer parfois assez fortement justement la dynamique de départ. Ouais. Bah après, c'est vrai que du coup, nous, par exemple, là, sur Mirecourt, le projet est relativement récent, ça fait un an qu'on commence à travailler avec les différents acteurs, et il y a quand même beaucoup d'acteurs présents dans le collectif qui sont des acteurs qu'on peut considérer au départ alternatifs par rapport à une agriculture conventionnelle, quoi. Et du coup, pour l'instant, la confrontation à la norme n'a pas vraiment eu lieu, hormis par rapport à ce besoin un peu de structuration du réseau d'initiatives. On voit du coup, il y avait une partie des acteurs qui proposait du coup une approche plus s'inspirant des Living Lab, où l'idée c'était de fonctionner sur un réseau informel et d'avoir une structuration relativement importante, mais quand même souple au niveau des acteurs, mais relativement interne, on va dire, au réseau d'initiatives. Et du coup, d'autres acteurs qui finalement rentrent dans des dispositifs plus normés, comme celui de projets alimentaires territoriaux, mais qui en fait finalement en ont besoin pour d'autres raisons que celle d'une coordination finalement. C'est parce que du coup, ils se retrouvent sur un territoire et dans un département aussi où ils sont un peu marginaux, et du coup, ils ont besoin, finalement, ils utilisent ce dispositif pour s'imposer par rapport à d'autres. Pour votre exemple, excusez-moi, mais c'est pas très bien. Je ne comprends pas très bien comment est structuré et coordonné votre le projet alimentaire territorial que vous évoquez, et quelle est sa gouvernance, puisque vous parlez de gouvernance territorial dans votre. Alors en fait, au niveau de la coordination, c'est moi qui m'en occupe pour la moitié de mon temps de travail, en fait. Et au niveau de la gouvernance alimentaire territorialisée, elle est en cours de construction. En fait, il y a eu un certain nombre de. En fait, les réflexions ont été amorcées en début d'année. Et il y a eu une sorte de retard, parce qu'en fait il y avait un acteur qui souhaitait se mobiliser au niveau agricole et alimentaire sur le territoire, mais qui n'avait pas la même approche que les partenaires actuellement mobilisés, et qui du coup a mis un peu un grain de sable dans les rouages. Donc du coup les réflexions ont pris du retard. Donc là le problème vient d'être réglé et la machine va être relancée, mais du coup avec les congés annuels, je pense que ça va être un peu reporté, quoi. J'ai bien compris que la question s'adressait à nous trois, donc qu'il fallait que je réponde. Moi j'ai l'impression que cette question de se conformer à la norme et de ce risque de l'inclusion, de cette tentation de l'inclusion, je ne sais pas, elle se joue pas mal dans le changement d'échelle. À partir du moment où on se dit, on reste plus sur une petite initiative, finalement, est-ce qu'on voit plus large, parce que quand on reste sur des initiatives qui ont comme principe justement de rester plutôt locales et de ne pas forcément vouloir. On s'extrait assez vite de cette réflexion. Enfin, je pense notamment à beaucoup d'AMAP où on sait que dans la charte, c'est plutôt de l'agribio, enfin c'est plutôt des exploitations en agriculture biologique ou en biodynamie, mais il y a beaucoup d'AMAP où les agriculteurs ne sont pas certifiés. et donc ne vont pas forcément rentrer dans le mécanisme de certification. Il y a aussi d'autres immeubles qui sont avec des agriculteurs ou des cultivateurs qui n'ont pas le statut d'agriculteur. Mais parce que le contrat local basé sur la confiance, de l'interconnaissance et l'absence de volonté de monter en échelle, puisqu'on est bien sur un contrat, fait que cette question-là ne va pas se poser, en tout cas dans l'évolution de l'initiative. Moi j'ai l'impression que c'est souvent quand on veut changer d'échelle, quand on se pose la question de la généralisation, de comment on fait pour faire plus gros, la question de la restauration collective, typiquement, dès qu'on dit on dépasse l'approvisionnement ponctuel pour passer à quelque chose de là il y a les normes là. C'est un peu le sens de ma question. Vos trois exemples sont quand même extrêmement prégnants de quelque chose qui était vraiment très expérimental il y a une quinzaine d'années, et qui, moi j'ai lu ce week-end les préparations à Europe 2020-2026. Extrêmement intéressant de voir comment l'agriculture et l'alimentation, les transitions énergétiques, les productions locales d'énergie propre, les enjeux de résilience de la pauvreté, de territoires pauvres à travers les nouveaux projets environnementaux, etc., sont au cœur des stratégies institutionnelles de l'Union européenne à X années. 2020, c'est demain. C'est-à-dire qu'elles seront fondamentalement, alors que la PAC, les dotations de PAC baissent de 5%, elles seront fortement financées. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes à l'aune d'une forme de publicisation très forte de ce qui était à l'origine des fragments d'expérimentation. Et je pense que du coup, on va voir aussi émerger une différenciation des expériences entre celles qui ont été portées par un projet politique fort, justement deux postures face à la norme, et donc qui aussi vont être dans un processus de réflexion de comment on fait pour être plutôt en fédération ou plutôt en coordination qu'en posture hiérarchique, et d'autres qui vont pas plus. Enfin voilà, il y aura aussi une fragmentation. Enfin, j'imagine que dans cette réflexion, et puis on voit déjà arriver sur certaines formes qui sont très courantes, comme les AMAP ou les coopératives d'achat, des profils d'organisation et une segmentation en fonction de. Et là, du coup, je pense que le retour à la questionnement du projet politique qui a porté la naissance des projets est importante pour comprendre la trajectoire. Oui, alors du coup, je m'inscris en continuité avec ce qu'a dit Eric, et je voulais justement, ce qui m'a frappé aussi, c'est que, surtout pour vous deux, c'est-à-dire pour Johan, qui finalement a bien dit qu'au départ, il était à la fois chercheur et administrateur à l'INADEM. Il y a donc une différence de position, de posture entre ces deux-là. Et puis, évidemment, alors moi, je ne connais pas du tout votre position, mais j'ai quand même un souvenir de Mirecourt, en particulier après 68, où j'ai même dû dire que c'était un lieu d'expérimentation qui était particulièrement vivace et particulièrement innovant du point de vue, finalement, de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire du politique. Et j'ai même plus envie de dire du projet politique, parce que comme il nous casse les oreilles avec les projets, je préfère dire du politique tout court et pas du projet politique. Parce que le projet, il est toujours là, et la politique, il faut la faire au jour le jour. Bon, alors donc, je passe sur la. Et moi, ce que finalement, la question qui nous a animés aussi, parce que finalement, vous êtes dans la partie. En fait, il y avait deux parties dans notre. En gros, deux grosses parties dans notre appel à communication. C'est-à-dire, il y avait comme on a fait pour mai 68, mai 68 en théorie, enfin, légitimité d'en haut et en bas en théorie, et puis mai 68 en pratique, donc. À travers l'innovation, vous étiez plutôt dans la partie acte, action, et d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait. Alors donc ma question, elle est celle-ci. C'est-à-dire, finalement, quelle est la place du chercheur, parce que vous êtes quand même tous les trois des chercheurs, comme je crois, quelle est la place du chercheur en tant qu'acteur individuel? et de la recherche en tant qu'acteur collectif dans le processus de légitimation. Et est-ce qu'on n'a pas justement intérêt aussi à reprendre cette question alors je vous la demande, et en particulier à toi, Joanne Fesneau, comment tu fais le lien entre, si tu veux, entre le fait d'être administrateur l'UNADEL et donc forcément dans la position d'analyser sur quelle légitimité l'UNADEL reconquiert sa légitimité, parce qu'elle l'a quand même, elle a quand même un petit peu baissé. Et même, c'est la même question pour Mirecourt, hein, c'est-à-dire que finalement, bon voilà, alors, quelle est votre place? Et éventuellement Ségolène, qui est un peu, disons, sur une expérience qui est plus, qui n'a pas été jusqu'à, justement, c'est intéressant parce que tout ce qui se passe en Ile-de-France a peu de chronologie, enfin, de comment tu dirais, de profondeur historique. Voilà. C'est-à-dire que ce qui se passe en Ile-de-France, alors que évidemment, Biot-Vallée, l'action du Nadel, Mirecourt, ce sont des territoires, on va dire des lieux qui ont une profondeur très très longue du rapport politique. Alors que finalement, l'Île-de-France, et puis en ce moment, avec tout ce qui s'y passe, on sait plus où on en est, quoi. Donc, voilà. Alors, quelle est la place du chercheur dans cette trajectoire, dans cette relation, finalement, on pourrait dire, du scientifique au politique, et réciproquement? Ouais, je vais essayer d'apporter quelques éléments à une question qui est difficile. Déjà pour rappeler et vous expliquer à tout le monde ce qu'est l'UNADEL, parce que c'est pas forcément connu, mais c'est une association d'élus qui est héritière des mouvements d'éducation populaire et qui a beaucoup accompagné les mouvements d'émergence des pays de Loire-Voisin et de la Fédération des parcs naturels régionaux. Nicole faisait à juste titre référence au fait que cette organisation militante qui était relativement puissante au niveau national dans les années 90, surtout dans les années 2000, a ensuite baissé en termes d'intensité et de rayonnement politique, et qu'elle est en phase de reconquête de légitimité. Les travaux qu'elle fait avec Mairie Conseil y participent. Le chercheur dans tout ça, il est d'abord lié au fait que l'UNADEL a un pied dans la formation, puisque elle a notamment soutenu la construction des formations d'agents de développement qui ont accompagné le mouvement des pays, aussi la fédération de PNR. Donc, depuis l'origine quasiment, il y a toujours un lien quand même assez fort, notamment avec des disciplines comme la géographie ou la sociologie, sur la construction des compétences de l'agent de développement local. Donc on a intrinsèquement, c'est-à-dire un cheminement qui reste fort de ce point de vue-là, quoi. Après, sur le fond des messages de l'action politique de l'UNADEL, je vois bien que ce que fait remonter l'UNADEL comme expérimentation de terrain interpelle directement les sujets sur lesquels on peut travailler, notamment en termes d'action collective, de construction de l'action collective. Mon rôle en tant que chercheur, je suis bien à part des choses, hein, c'est pas, l'activité militante de l'UNADEL est un moyen d'être au contact des territoires pour développer éventuellement des recherches. Mais le rôle particulier de l'UNADEL, c'est aussi d'être un forum de rencontre entre à la fois au niveau national des familles qui nourrissent le débat politique, et au niveau local avec justement des initiatives territoriales, habitantes, politiques, entrepreneuriales qui sont particulièrement riches. Donc c'est aussi un partenariat tactique en quelque sorte. Ça répond à ta question que... Oui, sauf que si tu veux, ça en soulève une autre. C'est-à-dire que je me dis, mais finalement, de choisir l'UNADEL, en prenant comme partenaire la Boutanelle, on ne prend pas d'autres partenaires, d'autres qui sont aussi il y a des compétitions, il y a des concurrences entre des organismes qui ont presque la même intention, hein, c'est-à-dire le développement local, notre fameux développement local. Bon, et c'est-à-dire que justement, alors ça c'est plutôt ce que je dis avec, excusez-moi de dire, cette expérience longue personnellement que j'ai eue du rapport avec Nadelle, avec tout. Alors je ne veux pas tellement citer d'autres, c'est que finalement le chercheur a une position qui est parfois schizophrénique, hein, c'est-à-dire qu'il sait finalement qu'il ne parviendra pas à énoncer le projet politique qui est le sien. Voilà. Et en même temps, il ne parviendra pas non plus à ce que disait Eric, c'est-à-dire à avoir une certaine dégradation, une dégradation qui s'est passée par rapport finalement entre le rapport militant et puis le rapport normatif. Il y a eu quand même historiquement, alors c'est là je me reprends. Historiquement, il y a quand même, parce que l'époque du développement des pays, l'époque ne peut pas être comparable à l'époque dans laquelle nous vivons, où les petites innovations portent le nom de maraîcher, de la profession, c'est-à-dire c'est des choses qui n'ont pas une ampleur politique, une ampleur collective aussi forte que celle qui a été celle de l'origine des lieux que vous décrivez, pas toi Ségolène, mais Johan et Romain, c'est-à-dire des lieux qui ont vraiment été des lieux d'innovation politique et sociale et même environnementale à la limite. Je voudrais intervenir parce que ça serait en même temps une question par rapport quand je voyais les éoliennes avec les habitants au pied, je me disais on va recommencer effectivement le développement local, le développement durable, et puis au bout d'un certain temps on va se dire ben, ces gens au pied des éoliennes, on va les voir petit à petit s'éloigner, et puis on verra arriver des entreprises, etc. Mais ça c'est tout le rôle du chercheur, c'est de réactiver continuellement dans ces dimensions-là, la dimension du mouvement social, la dimension des outils, des traductions et des outils qu'on peut donner à disposition des habitants parce qu'on a des expériences de terrain, des bilans de terrain et puis un outillage théorique. C'est aussi notre rôle. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé avec le développement durable dans la recherche et qui ont fini dans des bureaux ministériels. On le sait, c'est une des grandes crises de la sociologie, c'est celle-là. Le chercheur, quelle est sa part ? Il n'est pas qu'un enregistreur. Il est aussi quelqu'un qui se met à côté d'une légitimité. Il préfère une ou l'autre des légitimités. Et il faut qu'il en ait conscience. Il faut qu'il ait conscience que, dans une certaine mesure, par ce qu'il fait, et par ce qu'il produit, et par ce qu'il énonce, il est quand même du côté d'une certaine légitimité. Il doit faire des choix dans la pluralité, malgré tout. Donc, il a sa fonction d'enregistrement, ça, de toute façon, celle-là, elle va continuer. Mais il a aussi, peut-être, et c'est ce que j'ai compris, plus ou moins, c'est ce que j'ai compris dans Living Lab. Apparemment, Living Lab a la préférence sur le PAC. Hein, bon, donc, voilà, c'est ça que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a quand même un parti, il y a quand même le chercheur, est quand même quelqu'un qui sait distinguer et hiérarchiser, au moins pour ses préférences politiques, les légitimités, celles qui sont considérées comme d'en bas et celles qui sont considérées comme d'en haut. Il le fait. Alors, est-ce qu'il peut les concilier ou est-ce qu'il peut essayer de porter la parole la plus forte possible du côté de son choix, ou est-ce qu'il se met deux œillères et il continue à enregistrer et puis voilà. Là, oui, c'est une chose, mais après qu'ils retransmettent et comment ils le retransmettent, ça en est une autre. Et souvent, c'est là qu'est le problème. Hein. Et il n'est pas exempt de parti pris, compris idéologique, malgré tout ce que tu peux dire. Et un travail dans la durée aussi, il faut. Tu sais, la phrase de Rancière, le sociologue se balade dans la rue, traînant les idées reçues, etc. Et puis après, il change. On peut pas. Il faut rester dans son combat. Quoi. C'est pas un dialogue, il faudrait entendre pour apprendre. Oui, moi j'ai des interrogations concernant l'innovation, l'idée d'innovation et la longévité de l'innovation. Et là aussi, on retombe sur des questions de vocabulaire. Hein. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui quand on dit innovation? Et quand j'entends Jean-Pierre Thibault rappeler les interrogations actuelles des ministères quant à la place, au rôle de l'agriculture, bon, moi ça me rappelle furieusement des débats qu'il y a eu il y a une quarantaine d'années, notamment au commissariat du plan, qui avait à l'époque, c'était dans les années 80, fait un gros rapport sur l'avenir des espaces ruraux, au final, hein, où la question du rôle de l'agriculture était déjà présente et à peu près dans les mêmes termes. Donc qu'est-ce qu'on dit quand on dit innovation aujourd'hui en reprenant grosso modo les mêmes trajectoires, les mêmes attendus? Moi c'est vraiment bon. Et puis d'un autre côté, quand on associe innovation et légitimité, qu'est-ce qui sous-tend l'autre? Qu'est-ce qui vient à l'appui de l'autre? Est-ce que c'est la légitimité des acteurs qui portent une, ce qu'ils appellent une innovation, qui automatiquement rend cette innovation acceptable, pour ne pas dire légitime, ou est-ce que c'est la qualité d'innovation qui rend son porteur légitime, du coup? Donc moi, il y a un petit peu de confusion là, et, y compris dans mon esprit, et ça mérite d'être un petit peu éclairci. C'est pas un terme que j'ai utilisé, donc je. Pas innovation sociale en tout cas. Par contre, bon, peut-être ça me renvoie par rapport à ce dont je vous ai parlé, cette problématique-là, hein, conflit de légitimité entre les fermes productives, les fermes agricoles, et puis ces fameuses nouvelles start-up en agriculture urbaine qui sont peu nombreuses, hein, je suis d'accord. C'est un mouvement faible, mais j'en parle parce que je pense que ça réinterroge justement les légitimités en agriculture. Et c'est vrai que le monde agricole qui s'est complètement, enfin, qui a peut-être à juste titre, parce que justement c'était. C'est quoi, c'est 40, bon maintenant 80 initiatives, mais c'est presque rien. C'est beaucoup désintéressé de ce monde-là, parce que c'était plutôt des paysagistes ou des agriculteurs qui de toute façon ne remplissaient pas les critères. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'ignorance et qui commence en fait à y revenir parce que justement des lignes bougent, parce qu'on commence à s'interroger sur est-ce qu'on pourrait quand même pas leur donner statut même s'ils n'ont pas de foncier, mais dans ce cas-là ça veut dire que ça va toucher tout le monde agricole. Est-ce qu'on peut pas labelliser en bio si on est hors sol, parce que quand même ça permettrait de labelliser des exploitations urbaines, mais ça veut dire que ça va toucher tout le monde agricole. Donc c'est pour ça aussi que j'en parlais, c'est parce que justement ces innovations qui aujourd'hui sont un peu dans une discussion sur leur légitimité, leur place au sein du monde agricole. À partir du moment où elles seront incorporées ou pas, en tout cas l'issue de ce débat, le résultat de ce débat-là va impacter l'ensemble du monde agricole. La façon dont on peut certifier en bio, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres activités qu'agriculteur sur une ferme ou dans un bâtiment. C'est des débats qui vont se poser de façon très concrète parce que les villes et les collectivités en fait agissent pour ça et donc interrogent directement le monde agricole qui est impliqué via la MSA et des organismes du monde agricole qui sont moins liés au foncier aujourd'hui, donc voilà, il y a une espèce d'hybridation, d'hybridité, je ne sais pas comment dire, de ces structures-là. Qui sont pas importantes en termes ni de production ni de nombre, mais par contre qui renvoient tout un tas de questionnements au monde agricole dans son ensemble et qui potentiellement peuvent faire changer des réglementations qui là vont impacter l'ensemble et les fonctions écologiques, les fonctions sociales, etc. Donc, oui, par rapport à la tension légitimité innovation, bon bah là les startups c'est vraiment illustratif de ça. C'est-à-dire il y a un débat sur légitimité, mais derrière en fait, que font-elles, comment travaillent-elles, si justement on met les lunettes de l'agronome pour voir ce qu'elles font, bah on va avoir une lecture très différente. Là c'est un programme où on compare avec les États-Unis où en fait on se rend compte qu'aux États-Unis il y a une implication de la très haute technologie dans toutes ces fermes, qui est très très importante, qu'on n'a pas du tout en France, parce qu'on a plutôt des fermes start-up, on va dire, mais qui sont développées sur la multifonctionnalité, sur l'insertion sociale, donc sur des modèles économiques très différents, et qui donc, en termes de légitimité, sont peut-être pas évaluées de la même façon. Mais c'est vrai que c'est pas parce que c'est innovant techniquement, ou même innovant dans la ville, que ça a forcément une place légitime. Par contre, je pense que le fait qu'elles arrivent, qu'elles demandent de la place, en tout cas, ça légitime le chercheur à aller voir un peu comment ça évolue. Je voulais intervenir par rapport à... C'est un dialogue avec Ségolène. Je voulais savoir quand même jusqu'à quel point et dans quelle mesure ce débat sur la légitimité, disons, des nouvelles formes d'agriculture sur près du foncier, ou du foncier marginal, ou du foncier interstitiel, voire pas de foncier du tout, des toits, des balcons, etc., a-t-elle lieu, c'est-à-dire par rapport à la profession agricole, dans la mesure où, généralement, ces personnes-là ne réclament pas le statut agricole, ne réclament pas les subventions de l'Union européenne, c'est-à-dire ne sont pas soumis à la surface minimum d'installation qui de toute manière va disparaître. À ce que je vois à l'échelle de la région parisienne, mais à la lecture de mes journaux habituels, bon, les innovateurs en la matière sont très très souvent des gens qui changent de profession, qui sont issus d'une autre profession que la profession agricole et qui finalement bon, font le grand saut du côté d'une production, que ce soit, je sais pas, des champignons, des escargots, des abeilles ou des fleurs ou que sais-je encore. Et ces gens-là, bon, dans quelle mesure, jusqu'à quel point, sur quel nombre réclame-t-il le statut, réclame-t-il la légitimité, mutualité sociale agricole, subvention européenne et réglementation sur le foncier, qui de toute manière, par ailleurs, est en train, elle aussi, de disparaître via les sociétés agricoles à capitaux financiers et étrangers. Oui, mais en fait, moi aussi, c'est une question que je me posais, parce que quand je rencontrais l'association, justement, alors ça s'appelle, c'est l'Association française pour l'agriculture urbaine professionnelle, et ça semblait être un sujet vraiment central dans leur réflexion, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était tellement central d'être reconnu comme un agriculteur. J'ai toujours pas élucidé, en fait, justement, un des objectifs des enquêtes, c'est un peu de comprendre les enjeux qui sont liés à ça. Toutes les entreprises, alors c'est vrai que c'est pas forcément l'agriculteur, c'est souvent plutôt. Il y a beaucoup de paysagistes qui viennent à ça, mais alors souvent quand même ils s'enregistrent à la chambre d'agriculture pour avoir accès ils cotisent à la MSA et avoir un statut. Donc souvent quand même, même s'ils sont pas. Ils vont être enregistrés comme société de. Ils ont des cotisations sociales inférieures. C'est la même chose que les éleveurs de chevaux. Oui, certainement. Mais donc ils sont, voilà. Mais ils le sont pas tous. Alors il y en a qui le font. Il y a des paysagistes qui vont le faire, d'autres qui vont rester à la chambre de commerce. C'est pas très unifié. Et en fait, c'est l'AMSA qui en fait rentre en dialogue avec la FOP et les représentants pour leur demander de tous s'inscrire maintenant à l'AMSA. Il y a aussi une prise de conscience du monde agricole que ça permet aussi de montrer que c'est une activité dynamique, que ça innove, qu'il y a aussi des choses qui se passent de ce côté-là. Et donc maintenant, il y a une pression et des demandes des organismes agricoles pour que ces entreprises qui donc devraient être reconnues comme avoir une activité agricole, même si c'est du paysagisme principal, soient inscrites à la chambre, au registre de la chambre d'agriculture. Pour les aides de la PAC, là, bien évidemment, en fait, la plupart n'y pensent même pas, puisqu'il n'y a aucune surface éligible. Donc pour la MSA, c'est pas un problème, s'il n'y a plus la SMI, la surface minimum. Mais pour les aides de la PAC, ça reste fondamental. Il y a une seule entreprise, enfin une seule exploitation, qui a eu aujourd'hui la dotation jeune agriculteur, c'est un champignonnier. C'est la grande ferme Cultivette dans le nord de Paris. En sous-sol d'un immeuble, ça. Et lui, comme c'est des champignons, il relève d'une législation de la PAC différente qui effectivement reconnaît l'absence de surface éligible. Donc voilà, il y a un exemple. Bien sûr, s'ils étaient éligibles, ils le demanderaient certainement plus. Parce qu'en fait, du coup, ils vont à la banque, enfin, ils cherchent d'autres investisseurs. Donc c'est des. Ils sont vraiment dans des réflexions d'entrepreneurs, mais comme beaucoup d'agriculteurs, hein, où est-ce que je vais pouvoir faire financer mon activité? Donc, ils savent, bien sûr, pour l'instant, les DGA, etc., ne sont pas accessibles. Si la législation change, ils le demanderont. Et il faut, c'est une discussion qu'on doit avoir avec la FOP, là, justement, pour savoir s'il y a une organisation un peu lobby pour essayer d'influencer. Enfin, d'influencer, de faire du lobby. Juste une petite remarque à propos de la mutualité sociale agricole. Je me demande, moi, s'il n'y a pas un autre enjeu, à savoir qu'il y a une assiette démographique qui ne plaide pas depuis des années en faveur d'un régime spécial. On est bien d'accord. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le monde agricole, dans sa quasi-majorité ou totalité, a refusé de verser dans le régime général et continue d'avoir, je crois, cette position. J'ai beaucoup travaillé sur les régimes spéciaux en tant qu'économiste, c'est pour ça que j'évoque la question. Il y a eu de toute façon un refus très important qui s'est perpétué, et il y a donc bien cet enjeu aussi, me semble-t-il, de préserver cette particularité, ce régime spécial. Et donc il y a bien un enjeu très, très spécifique, économique bien sûr, mais aussi idéologique, à mon sens, tel que je le comprends, et démographique bien sûr, puisque de toute façon l'assiette démographique est, même s'il y a des gens qui sautent le pas et qui vont faire des champignons ou des fleurs ou je ne sais quoi d'autre, comme vous l'avez dit, ce n'est pas ça qui va pourtant reconstituer la base agricole qui existait encore au niveau des années 50 après-guerre. Juste un petit, c'est plus une annonce même de la pub. C'est très bien. Il y a un petit livre qui est sorti dans les éditions, des petites éditions, qui s'appelle Open Field, et qui est lu à une personne qui a pour caractéristique d'être à la fois paysagiste concepteur et agriculteur, et qui, le petit livre s'appelle La vie agricole. Il y a un sous-titre extrêmement long que j'ai oublié, ça fait 50 pages, et c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en termes de remise en question du modèle agricole et de la manière dont on conçoit aujourd'hui cette profession et son assise sociale, c'est, je pense, à lire, et puis ça prend pas longtemps, et c'est très bien écrit. Voilà. Donc Rémi Janin, édition Openfield, La vie agricole. C'est un petit livre jaune carré qui est très sympa. nous avons eu un débat intéressant qui a un petit peu parfois débordé le sujet, mais poser des questions plus générales, mais c'est pour ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous retrouvons demain, si vous le voulez bien, à partir de 9h30, 9h30 à Paris Ronde. À demain. C'était une émission passionnée, il y avait des questions politiques très gentilles. Pourtant, en répondant pour la formation, j'ai fait de la formation à l'avocat, c'est pas pour ça que ça a changé la tête des gens. Bon, moi j'étais aussi.